sortie sur le sens d'Allah, d'après eux. Donc, khuruj, c'est la sortie. Après, dukhul, c'est le contraire. La rentrée. Non, ça vient de dakhala yadkhulu. Et khuruj, c'est le masdar de kharaja yadkhuluju. Istilam, c'est un masdar aussi d'un verbe qui est istalama, qui veut dire comme tasallama, un peu, recevoir quelque chose. Tazakir, je sais pas pourquoi ils vous l'ont mis là, ils ont dû mettre avec tazkira, c'est le jam de tazkira, on l'a pris au début. Des fois, je sais pas pourquoi l'ordre il est. Il n'est pas. Pourquoi des fois ils mettent les mots de façon désordonnée, mais bon. Taïeb. Antuma, c'est quoi Antuma? C'est un damir. Allez voir, qui veut dire vous deux. Antum, c'est un damir qui veut dire vous. Au masculin. Antunna, c'est un damir qui veut dire vous au féminin, à des femmes. Huma, c'est un damir aussi qui veut dire eux, eux deux. Ça peut être deux hommes, ça peut être deux femmes. Ou ça peut être un homme et une femme. C'est-à-dire qu'il est mixte. Hum, c'est un damir qui veut dire eux. C'est-à-dire ou il. Ça dépend comment tu fais la phrase. Runna, c'est le féminin de hum. C'est elle, avec un S, au pluriel. Et ben voilà, istakhraja, une fois de plus, je ne sais pas pourquoi il n'y a pas bien avec le masdar qui est en haut, c'est le verbe. De istikhraj, c'est son verbe. Vous voyez, comme je dis, istikhraj, c'est un masdar. Le verbe c'est istakhraja, yastakhriju. Al-an, maman al-an. Maintenant. Ta'lim, ça veut dire enseignement. C'est le masdar de allama yu'allimu. Ta'lim, ça veut dire enseignement. Et là, ma'ruf. Ça veut dire non. Après, dit tarkib al-nahwiya, tarakib al-nahwiya sarfiya. Cela, laissez-les. Parce que ça va revenir dans le texte, donc ça va faire une répétition. Et ta'bira, ces expressions qu'il y a dans le texte, elles sont faciles. Hein. Wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est lorsqu'on passe le salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah, ma'louf. Si Allah le veut. Taïeb, Inch'Allah. Taïeb. Après, on a le hiwar. Hiwar, c'est la conversation. Taïeb, l'échange, la discussion. Andana hiwar, beina Mahmoud wa Rashid. Fantouma, c'est Qur'ani, anta Mahmoud wa anta Rashid. Taïeb. تفضل وإذا في كلمة جديدة نقف فيها ونشرح معناها في un nouveau mot qui n'est pas présent dans le tableau on s'arrête dessus inchallah et on traduit. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. متى تسافر إلى المملكات العربية السعودية؟ donc محمود on va traduire. Donc mata, ma'louf, istima, qui veut dire quand. Vous voyez tout ça, firou, c'est un verbe ça, fara, qui veut dire voyager. Tout ça, firou, quand est-ce que tu vois voyager, en fait. Il est harfoja, ma'louf. El mamlaka, le royaume. Arabia, arabe, saoudia, le saoudi. Le royaume d'Arabie saoudite. Quand vas-tu voyager? Royaume d'Arabie saoudite. Adawal ma'ala. Tout ça, firou, c'est anta. Après, à la fin, ils vont vous mettre le verbe conjugué entièrement avec tous les sujets, inshallah, tous les domaines. Fadal, Rachid. Fil usbu' al qadim, inshallah. Non. Donc, fi harfajar, c'est connu. Dans quoi? Al usbu' c'est la semaine. Al qadim, c'est prochaine. C'est-à-dire la semaine prochaine. Qadim, c'est une chose qui arrive. C'est une chose qui arrive. Donc, al usbu' al qadim, c'est la semaine prochaine. Inch'Allah, ma'louf. Wa kayfa tusafiru?

Et quand tu mets amma, taïr, quand tu mets amma, et bien dans la phrase, il y a un fa qui vient aussi. Quand tu vois amma ana, fa, sa ukmilu. Par exemple, Kabikuli Ta'ala, famma latima, surat al-duha, famma sa'ilu, fa la tanhar, mathalan. Et quant au questionneur, ce qu'il te demande, ne le rejette pas. Vous voyez ? طيب لو تكسي النص مفهوم مفهوم طيب فيقول اولا استمع وردد donc il veut que tu écoutes et que tu répètes donc là il va vous montrer comment conjuguer le verbe تسلم طيب تسلم عندك انت تقرا كل واحد يقرأ جملة أنت الأولى ثم أنت الثانية ثم أنت الثالثة ثم أنت الرابعة هكذا أنا تسلمت تذكر السفر نعم donc j'ai reçu les billets du voyage أنا تسلمت quand le verbe vient au passé avec أنا c'est tout tu dis tout نعم تفضل نحن تسلمنا تذكر السفر نعم nous avons réceptionné le billet du voyage أنت تسلمت تذكرة السفر سفر. نعم. أنت تسلمت تذكرة السفر. أنتها. لا. أنتما. أنتما. هذه ميم. أنتما تسلمتما تذكرة السفر. أنتم تسلم. أفن جست نقف هنا على أنتما تسلمتما تذكرة السفر. C'est vous deux. Vous avez reçu. طيب. Le billet du voyage. Donc tu dis quoi ? Tassalam Touma. Et Tassalam Touma. Naam. Antum Tassalam Toum Tazakir Safar. Naam. Vous avez reçu le billet de voyage. Antuna Tassalam Touna Tazakir Safar. Naam. Donc vous, c'est là, il parle des femmes. Vous avez reçu, vous avez récupéré plutôt, le billet du voyage. Wa Tassalam Tazakir Safar. Naam. Il a récupéré les billets du voyage. Hiya tassalam, tassalamat, tassalamat. Hiya tassalamat, tazakir al-safar. Huma tassalama, tazakir al-safar. Non. Huma tassalamat, tassalamta. Tassalamata. En fait, le premier, huma tassalama, c'est pour deux hommes. Non. Et quand tu mets un ta, ce qu'on appelle Tanis et Sakina, c'est le même que Yata Salamat. C'est même ta. Ce moment-là, on rajoute le Alif après derrière, qui lui, c'est un Domir, c'est lui le Fa'il, c'est lui le sujet. Quand tu dis Huma, en parlant de deux femmes, Tassalamata, ça te fait différencier entre l'homme et la femme. Vous voyez, comme Akkala Ta'ala, les femmes Vakalou Kal Unfa. Vous voyez, le mâle n'est pas comme la femelle. Même dans les règles du parler, en langue arabe, tu différencies entre l'homme et la femme. C'est précis. Vous voyez, c'est le même domir en apparence, mais quand tu conjugues le verbe, là tu vois la différence si on parle d'homme, si on parle de femme. Huma tassallam tassallamata tadhakkar as-safar. Hum tassallamu tadhakkar as-safar. Non, c'est muzakkar. Hunna tassallamna tadhakkar as-safar. Donc attention à celui-ci. Hunna tassallamna tadhakkar as-safar. Là c'est pour des femmes. Elles ont récupéré les billets. Et nahnu tassallamna. T'en as, il y a un mad, il y a un alif à la fin. Et l'autre, tu n'en as pas. Vous voyez, les deux, ils ne fixent pas un noun. Seulement, t'en as un, il y a un alif. Nahnu tassallamna. Et l'autre, c'est hunna tassallamna. Les deux alif, sans alif. Naam. Ala mafoum. Taïeb. Thanien. Akmil kama fil namoudaj. Donc, il dit complète comme dans l'exemple. Échantillon. Namoudaj, c'est un échantillon. À la base, mais là, il veut dire quoi l'exemple? Donc le namouraj, ils disent Ana safartu bita'ira. Donc moi j'ai voyagé par avion. Donc ils veulent fassiez pareil avec les autres dama'ir. Comme on a fait avec Tassallama. Sauf que là, c'est safara qui veut dire voyager. Taïeb, on va le faire ensemble celui-là, inshallah. نحن تفضل انت ابدا كيف تقول كما تدي نحن سفرت سافر سفر سفر اي كلمه سافر سافر ابغى تبدا الضمير متصل سفر كيف نحن ايوه نحن سافرنا نحن سافرنا سافرنا للطائرة. للطائرة. نعم. أنت. أنت سافرت للطائرة. نعم. أنت. أنت سافر. سافر. انتبه للمد. أنت أنت سافرت بالطائرة. أنتما. سافرتما بالطائرة. نعم. أنتم. أنتم سافرتم بالطائرة. أنتن. أنتن سافرتن بالطائرة. هو. هو سافر بالطائرة. هي. سافرت بالطائرة. هما. Attention là, on veut, je vais le mzakkar. هما سافر. Attention, met. سافر. Après, tu mets Damir, comment tu dis? سافرما. لا. On a dit comment tassallama Huma tassallama. Donc là, Huma. Huma safarama safarma. Là. C'est quoi la lettre qu'on rajoute? Quand on a dit Huma tassallama, c'est quoi le verbe? Tassallam. Donc on a ajouté quoi comme lettre à la fin? Tassallama. Qu'est-ce qu'on a rajouté? Non, le mim, il fait partie du verbe. Le verbe c'est tassallama. On a ajouté quoi comme verbe, comme lettre à la fin? فقط juste un livre. Donc là tu rajoutes un livre. Donc tu dis هما سافرا هما بالطائرة سافرا بالطائرة. نعم. Maintenant je veux هما بالمؤنث. كيف تقول هما سافرتا بالطائرة. أحسنت. هم هم سافروا نعم بالطائرة. نعم أحسنت. هن كنا سافرنا بالطائرة. طيب. دونك لو باء يقول طيب يقول أنا عرفت البقالة. عرف يعرف كي بدي كونيتر. طيب عرفت سي جي كوني والبقالة طيب سي ليبيسيي. البقالة من بقالة ها؟ من ليه زومي بقالة بقالة زومي؟ البقالة سي الرجل وبقالة سي الليو ليبيسري اون فادير والبقالة avec la fatha طيب سي ليبيسري البقالة سي ليبيسري C'est un petit bout de chaîne où ils vendent, tu vois, des ingrédients, de la nourriture, souvent. Taïeb. Donc là, LN ou l'Irad, Inch'Allah, pour demain, Taf'alani nefsashay. Vous faites la même chose qu'on a fait avec les deux autres verbes. Mais là, il veut juste Nahnu, Anta ou Anti. Taïeb. Eh bien, moi, je vous rajoute, je vais tous les deux derrière. Taïeb. Comme ça, c'est. أكي إن شاء الله. نفس الشيء. جيم يقول أنا حجزت التذكرة. طيب يدي moi j'ai réservé le billet. فتفعلان نفس الشيء مع الضمائر. تتصلان الضمائر بالفعل. تصرفان الفعل. نكونجي le verbe avec tous les ضمائر. plus que نحن et plus que أنت. ثالثا يقول اسند الافعال الاتيه للضمائر السابقه دونك يدي اتاش لي ضمائر لي عفوا يعني لي entre les verbes présents ce qui arrive là suivant et les ضمائر des exercices précédents